Nous sommes rendus au bloc de l'Ouest, la musique de l'Ouest canadien, et comme on le fait depuis début janvier, chaque bloc va débuter avec une chanson souvenir. Et aujourd'hui, je vous propose pour l'Ouest canadien une chanson souvenir qui, selon moi, est une des plus belles chansons que j'ai entendues de tous les temps, j'allais dire. C'est Ton nom des illusions de Micheline Girardin de Winnipeg. Cette chanson-là s'est retrouvée sur une compilation en pleine chanson, pleine comme les plaines. Et c'est vraiment une très, très belle chanson, un peu jazz, vraiment très intéressante. Donc, Ton nom des illusions de Micheline Girardin, ça s'en vient dans quelques instants. Par la suite, on va entendre Rihanna, et en entendant demain. Pourquoi? C'est parce que le Centre national des arts à Ottawa va être l'hôte le 11 avril prochain d'un double lancement, soit le lancement de Pontex et le lancement de Rihanna. Donc, deux artistes de l'Ouest. Rihanna est de Winnipeg. On va l'entendre avec la chanson « En attendant demain ». Et Pontex, groupe de la Saskatchewan. On va entendre la pièce « Faux pas », dont un clip est déjà en cours sur YouTube. Très bonne chanson, « Faux pas » de la formation Pontex. Donc, ça va nous faire plaisir d'encourager ces deux artistes-là. Ça s'en vient dans quelques instants. Mais là, on y va en souvenir, très beau souvenir, une des plus belles chansons que j'ai entendues de ma vie. Ça s'appelle « Ton nom, des illusions », tiré de la compilation « En pleine chanson ». Voici l'auteur, compositrice, interprète de Winnipeg, Micheline Girardin. Et tu t'effaces en ne laissant que ton nom. Toi, tu m'apparais comme la chance et me caresses en me blessant de ton nom. Yeah. l'espoir de ton nom, de ton nom, de ton nom. De ton nom. La sonnerie se réveille soudain pour venir accompagner le bruit des enfants, des voisins qui crient leur impunité, qui crient le fabuleux destin d'une vie à peine commencée. Je n'avais pas coup de poing. Pontex, faux pas, très intéressant, j'ai hâte d'entendre l'album. Donc l'album sera lancé, un double lancement, Pontex et Rihanna, le 11 avril prochain du côté du Sénat à Ottawa. Donc on a bien hâte de recevoir ces albums-là et de les faire tourner, bien sûr, ici à Canrock. Tantôt, je parlais d'une liste que Nathan Lelièvre de Ici Musique a fait une liste d'artistes émergents à surveiller en 2019 de l'Atlantique au Pacifique. Donc, il y a de très bons noms de l'Ouest canadien qui se retrouvent sur cette liste-là. Entre autres, Jeremy and the Delicious Hound, qui, je pense, travaille sur un nouvel album, ben, un premier album complet pour le Delicious Hound. Et c'est vraiment intéressant, ils font du funk, blues, rock, soul, assez intéressant, on s'ennuie pas, on écoute ça puis on se met à danser parce que c'est tellement bon. Donc on va entendre la pièce « On ne fait que commencer », Jeremy and the Delicious Hounds. Aussi sur cette liste-là, le gagnant du Festival international de la chanson de Granby, Festival international de la chanson de Granby 2018, c'est Lord Byron de la Saskatchewan. On va l'entendre avec La Merde. Je pense qu'il travaille, du moins je l'espère, travaille sur un album ou un EP pour qu'on ait d'autres musiques de Lord Byron. Comme je vous dis, on va entendre La Merde. Et par la suite, on va entendre, pour terminer, Ariane-Marie Clamire avec une chanson de son album Je deviens le loup. C'est toujours l'eau. Pourquoi? Parce qu'elle nous rappelle un beau souvenir dans sa vie, dans sa carrière. Sur ma page Facebook de Canrock, vous avez le lien pour aller regarder un documentaire sur les rencontres d'Estafor fait par Francis Cabrel en France. Elle y a participé. Donc, vous avez un petit vidéo là, qui vous montre tout ça. Vraiment charmant comme vidéo. Allez voir ça. We'll be right back. bord du coin, tout nous glissant les doigts. Pas un seul sol tient droit. Une soif inapaisable, une fin inévitable. Tu t'es tout donné, tout vidé, t'en reste juste à. Plafond. On y va, on recommence. Une autre nuit, on se lance. Je fais du jardinage.